Cette émission vous est présentée par Maison Thaïlandaise. Maison Thaïlandaise vous offre de délicieux repas cuisinés selon la tradition thaïlandaise. Maison Thaïlandaise, une cuisine savoureuse et variée, dont l'art culinaire se caractérise par son raffinement dans le choix des épices et condiments. Emballé sous vide pour un maximum de fraîcheur au prix plus qu'abordable pour déguster à la maison. Maison Thaïlandaise, trois adresses pour vous accueillir au 3 boulevard René-Lévesque Est à Québec, coin de Salaberry, au 4307 rue Saint-Félix dans le Vieux-Cap-Rouge et au 3742 avenue des Églises à Charny. Informations et commandes en ligne sur maisonthaïlandaise.com. Bienvenue à l'émission Les bouquins d'abord. Bienvenue à l'émission Les bouquins d'abord. Gros programme, il reste trois émissions avant la fin de la saison. Première année des bouquins qui a passé extrêmement vite. Cette année, Marguerite Duras aurait eu 100 ans. Elle est née, je pense, un 3 avril 1914. Et toute la première heure, on va vous en parler. Après la pause, Hélène Lépine va vous parler de ce que dit l'écorce, de la poésie. Jacques Vaillancourt va vous parler de Rick Mofina, des deux derniers tomes chez À lire. Et Maryse Lapierre va venir nous parler des deux derniers livres de François Blais. C'est vraiment du gros programme. Fait qu'on niaisera pas, on part en musique et on vous revient avec Marguerite Duras. Bien sûr, nous eûmes des orages. 20 ans d'amour, c'est l'amour folle. 1000 fois tu fuis ton bagage, 1000 fois je pris mon envol. Et chaque meuble se souvient, dans cette chambre sans berceau, des éclats, des vieilles tempêtes. Plus rien ne ressemblait à rien. J'avais perdu le goût de l'eau et toi, celui de la conquête. Mon amour, mon fou, mon tendre, mon... C'est presque trop beau pour laisser aller. Vous avez entendu Cora Vauquer qui nous chantait Les vieux amants. Barbe Rinke au microphone. Et pour parler de Marguerite Duras, j'ai fait ça vite tantôt, pour pas trop niaiser, je suis accompagnée d'Hélène Lépine. Bonjour Hélène. Bonjour Verbelle. Et de Marie-Ève Sévigny. Bonjour Marie-Ève. Bonjour Verbelle. Et je vais tout de suite te donner la parole. On a juste une demi-heure et on pourrait parler une vie de Marguerite Duras. Ça fait quand? On va parler vite. Oui. Alors, c'est moi qui commence. Oui. Écoute, Verbelle, j'ai lu une... Bon, tu sais, il y a une quantité de biographies qui sont sorties pour célébrer l'anniversaire. Et bon, il y en a. On aura l'occasion de faire des liens avec des albums inoubliables, d'ailleurs, des beaux livres magnifiques. Mais il y a une biographie qui m'a particulièrement intéressée, c'est d'Alain Vircondelet. Ça s'intitule Duras, la traversée d'un siècle. Et c'est, il s'agit pas seulement de lire la vie de Duras, mais il est en lui-même un écrivain à la plume magnifique. Alors, je vous dirais, là, vraiment, on a souvent parlé de la belle biographie, La Brique de Laure Adler, oui, qui est incontournable aussi. Mais celle de Alain Vircondelet, lui, ça a été le premier, il a étudié Duras alors qu'il commençait son bac. Vrai, et il raconte que il a quand même passé 44 ans à s'intéresser au personnage. Et il dit, travailler sur Duras, c'est d'abord privilégier le cheminement intérieur, suivre le dédale obscur par lequel l'écriture, unique guide de l'aventure, conduit le lecteur à pénétrer dans la Duracie, cette contrée inconnue, continent noir dont on saura plus tard qu'il est peut-être celui commun à tous les hommes, et pour cette raison aussi fascinant que redouté. Alors, l'essentiel y est, hein? Oui, ben l'essentiel, en fait, c'est que c'est souvent... c'est sûr qu'elle a écrit quantité de magnifiques romans d'amour, Duras, mais c'est aussi le personnage lui-même et l'écriture. Et je pense que c'est ça qu'elle a... on dit souvent qu'elle s'est mise en scène elle-même, mais... Je pense qu'elle était particulièrement, à travers son autobiographie, fascinée à travailler l'universel qu'est l'écriture pour atteindre la douleur humaine, la splendeur de l'existence, etc. Duras elle-même disait « L'histoire de votre vie, de ma vie, elle n'existe pas. Le roman de ma vie, de nos vies, oui, mais pas l'histoire. C'est dans la reprise des temps par l'imaginaire que le souffle est rendu à la vie. » Et ce souffle-là, cette force... de l'écriture, je devrais dire presque pulsionnelle, mais c'est ça qu'elle a rendu, qui est presque une oralité dans l'écriture, et qui fait que on tombe sous le charme presque de façon hypnotique, ou il y en a d'autres à l'inverse qui ne sont pas capables. Complètement. Duras, on l'adore ou on n'est pas capable. Mm. Et c'est parce qu'elle a inventé une écriture toute remplie de poésie, de redondance, de rythme, une récurrence de thèmes aussi qui reviennent. Ouais. Des personnages. Des personnages récurrents. Mm. Alors, et une simplicité... une fausse simplicité dans le langage. Oui, tout à fait. Oui. Hein? Ben, c'est vrai, hein? Fausse simplicité. C'est une fausse simplicité. Oui. Oui. C'est beaucoup plus travaillé parce entre autres, tout à l'heure, hors d'onde, on parlait du bel album de Laure Adler qu'elle a sorti sur Marguerite Duras cette année. Eh bien, on voit les manuscrits, qu'il s'agisse de manuscrits de pièces de théâtre ou de romans, c'est 20 fois sur le métier, travailler votre ouvrage. Et 20, ça, c'est quand ça allait bien. Oui, ça, c'est assez. Puis elle appelait ça, il faut calmer les textes. C'est-à-dire, il faut les alléger. Puis là, on voit toutes les ratures, on voit toutes les reprises et tout ça. C'est fabuleux. Ouais. Calmer les textes. Oui, tout à fait. Ouais. Mais est-ce qu'on parle un peu de ses romans? Parce qu'effectivement, il y a ça aussi, Duras. Elle se raconte tout en passant, dans le fond, en se rendant... c'est créant une légende. Oui, ben c'est ça. C'est qu'en fait, si je mets, ces romans, son œuvre est immense, mais c'est sûr qu'il y a une très grande partie de son œuvre qui est autobiographique. L'essentiel de sa mémoire, nous dira Vircondelet, c'est constitué entre 0 et 16 ans, et toute son œuvre tient dans cette adolescence qu'elle a vécue, cette enfance et cette adolescence qu'elle a vécue en Indochine et qui ont placé des images fortes, obsédantes, qui vont l'obséder toute sa vie. Ce qu'elle appelait par elle-même son chemin d'image, où est-ce qu'elle est allée puiser. Cette Indochine, coloniale, qu'elle a connue et qu'elle représente particulièrement dans Un barrage contre le Pacifique, qui raconte l'histoire de sa mère. C'est publié en 1950. Sa mère, qui était une institutrice, qui va faire, à la mort du père, 56 métiers pour faire vivre ses enfants, qui va avoir le malheur, dans son idéalisme, d'acheter une concession pour cultiver la terre, et qui va se heurter aux magouilles des fonctionnaires corrompus. Elle va avoir une terre de Caïn, finalement, qui va être ensevelie, engloutie périodiquement par le Pacifique. Et sa mère va virer folle presque à vouloir lever des barrages qui vont chaque année. Les images, juste dans le choix de l'image, même si c'est arrivé véritablement, cette force-là de l'image du fleuve qui va anéantir les rêves de la mère, et alors que ses enfants veulent s'émanciper. Il y a une violence dans la famille de Marguerite Duras dont elle va parler, la violence du grand frère qui est même incestueux, la violence de la mère qui bat sa fille, qui l'injurie et tout ça, une violence verbale épouvantable, mais qui est aussi un amour dévorant, réciproque d'ailleurs, il fait de haine au quotidien. Ma mère, mon amour, qu'elle va dire régulièrement. C'est ça. Alors ça, c'est représenté dans Un barrage contre le Pacifique. Et aussi, dans L'amant, en 1984, elle va... alors, premier personnage affectif, c'est la mère, mais le second personnage, ça va être l'amant. Ce Chinois de bonne famille qui va finalement lui apprendre les rudiments de l'amour et particulièrement particulièrement la ferveur et de l'inconnu, mais aussi de l'interdit. Est-ce que j'ai le temps de vous lire juste juste l'ouverture pour quand on parlait de l'écriture de Duras, juste l'ouverture, elle joue dans les temps, c'est vertigineux et en même temps, mais son écriture est très simple, mais elle est extrêmement travaillée. Un jour, j'étais âgée déjà, dans le hall d'un lieu public, un homme est venu vers moi. Il s'est fait connaître et il m'a dit « Je vous connais depuis toujours. Tout le monde dit que vous étiez belle lorsque vous étiez jeune. Je suis venue pour vous dire que pour moi, je vous trouve plus belle maintenant que lorsque vous étiez jeune. J'aimais moins votre visage de jeune femme que celui que vous avez maintenant dévasté. » Je pense souvent à cette image que je suis seule à voir encore et dont je n'ai jamais parlé. Elle est toujours là dans le même silence, émerveillante. C'est entre toutes celles qui me plaît de moi-même, celles où je me reconnais, où je m'enchante. Très vite, dans ma vie, il a été trop tard. À 18 ans, il était déjà trop tard. Entre 18 ans et 25 ans, mon visage est parti dans une direction imprévue. À 18 ans, j'ai vieilli. C'est magnifique, hein? Et c'était moderne. À 70 ans, elle a écrit ça. Et moi, ça m'avait soufflé. Moi, j'avais 20 ans et j'étais vraiment, vraiment à terre de lire ce livre-là. Et c'était, c'est contrairement au Barrage qui a été publié en 1950, c'était quand même écrit en 1984. Sauf que on a l'impression que c'est une écriture, c'est une force de jeune fille. Elle parvient à nous faire oublier la vieille dame, finalement. Premièrement, parce que c'était une vieille dame indigne aussi qui a été férocement amoureuse jusqu'à son dernier souffle. Ouais. C'est une amoureuse née. Mais là-dedans, il y a vraiment une force dans l'interdit de cette jeune fille-là qui va chuter par l'amour et finalement connaître la douleur morbide, la dureté, la révolte, mais aussi une immense liberté. Merci, Marie-Ève. Merci, Berbel. Et Hélène, toi, tu as lu tout particulièrement La douleur, que je n'ai pas lu. Oui. Mais la douleur est un autre sujet. Totalement. Comme l'amour qui revient dans à peu près tout ce que j'ai lu d'elle. Absolument, je pense. La douleur est fondatrice dans beaucoup, beaucoup de ses livres. Mais moi, j'ai dans le bel album de Laure Adler, il y a une phrase au début et Laure Adler dit « Je ne sais plus, après tout le terme de ses recherches, je ne sais plus qui est Marguerite Duras. » Et puis, je me suis retrouvée un petit peu dans cette situation-là à force de me préparer. Alors, j'avais toujours un petit peu, comme Marie-Ève, fréquenté Marguerite Duras de l'Indochine, ce côté tellement fondamental dans sa vie. Et tout d'un coup, le hasard des hasards, je tiens, la douleur, poum, je prends la douleur et je tombe sur quelque chose qui est à la fois en lien avec cette personne qui va développer toute sa force à partir de l'enfance, mais qui va la réaffirmer pour mille raisons dans le même sens, mais plus tard. Alors, la douleur, c'est un écrit qui a été retrouvé, qu'elle a retrouvé à Nauphle et dans le grenier, mais c'est un récit qu'elle a fait en 1945, alors que Robert Antelme était son mari, était dans un camp à Dachau. Et puis, elle l'attend. La libération, les Allemands vont bientôt quitter Paris. Il va y avoir la libération de Paris. Tout le monde est à la joie et elle est dans la douleur, dans la douleur de l'attente. Et puis, c'est une douleur qui est très, très concrète aussi, mais c'est une écriture qui est donc une écriture qui précède celle si belle. Alors, celle si étudiée, mais en même temps magnifique, cette musique et tout. Et malgré tout, on sent dans ce texte-là, on sent déjà la façon un peu syncopée de dire les choses, la façon de se perdre tout d'un coup, de dire qu'on est anéanti, on va mourir et tout, puis ensuite on renaît un petit détail de la vie. Alors, elle, c'est aussi dans ce livre-là que je me suis retrouvée avec ce qui aura toujours été pour moi Marguerite Duras, mais qui là là apparaissait dans, d'une façon particulière, c'est Marguerite Duras, la résistante. Mm-hmm. Alors cet enfant-là qui a résisté, à des choses incroyables, elle va continuer de résister. Mais elle va être une résistante dans tous les sens du terme, une résistante à toute forme de domination. Et là, on est en plein temps de la guerre et elle a décidé de faire du service. Elle se va tous les jours au centre d'Orsay pour essayer d'obtenir des renseignements sur ceux qui sont déportés ou soulevés. Elle a une action très concrète pour essayer de, cueillir des renseignements, aider les gens qui ont perdu ou dont le fils ou la fille, etc., est interné depuis si longtemps. Alors, il y a cette résistante-là. Puis, il y a aussi la résistante qui est d'un autre ordre. C'est la femme liée, celle qui est mariée à Robert Antelme et qui va résister, mais en se fondant à, cette fin que ressent sans doute Robert Antelme dans son lieu de détente, lieu si incroyable de ce camp-là. Et donc, elle va vivre la fièvre, la faim, elle va vivre le désespoir, elle va tout, la douleur et tout ça, peut-être au même titre que lui. Et c'est ce qui est assez étonnant. Et elle en parle d'une façon qui est toujours aussi, entre guillemets, dramatique. Alors, elle est à la fois la résistante qui veut conserver l'espoir, mais aussi elle s'adonne à la douleur. Et cette douleur-là, à un moment donné, elle la lie à la douleur d'avoir perdu son frère et son petit enfant qu'elle aurait eu avec Antelme. Puis enfin, il y a la résistante qui va, elle, résister en écriture, c'est-à-dire démarrer une écriture qui est une écriture hors genre, petit à petit, qui va casser des barrages d'écriture, des frontières de genre et tout ça. Et ça paraît déjà dans ce... Donc, somme toute, il y a toute la liberté. On la sent libre, cette femme-là. Ah oui, oui, oui. Et c'est une liberté qui prend peut-être origine dans cette enfance-là, où elle doit accepter de survivre. Et quand on survit, bien, on dit oui à une certaine forme de liberté. Mais là, c'est aussi une liberté qui est réaffirmée dans au fur et à mesure des événements de la vie. Je trouve que c'est assez... c'est une écriture dont je pourrais vous lire quelques extraits. Tout simplement, par exemple, si je prends ici un tout petit moment où elle dit... Moi, je ne suis même pas dans le bon livre. Ça va bien, mon affaire. Alors, ça dit, on n'existe plus à côté de cette attente. Des rafales de mitraillettes à chaque minute à l'intérieur de la terre, la tête, et on dure. Elle ne tue pas. Fusillé en cours de route, mort le ventre vide. Sa faim tourne dans la tête, pareil à un vautour. Impossible de rien lui donner. Je voudrais pouvoir lui donner ma vie. Je ne peux pas lui donner un morceau de pain. Ça ne s'appelle plus penser, ça. Tout est suspendu. Alors, il y a déjà... C'est très assuré. C'est très syncopé, très assuré. Et puis, on retrace là-dedans toutes sortes de thématiques qui vont revenir. Le cri. Le cri va être présent dans toute son œuvre et il est déjà dans ces espèces d'émotions très profondes qu'elle nomme ici. On va les retrouver chez des personnages, chez tout ça. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de sédiments là-dedans et il y en a encore plus dans les écrits qui viennent après. Alors, je reviendrai, je crois, parce que là, on va faire une petite pause. Oui. On va écouter Yun Suna tirer du disque India Song qui a été écrit par Marguerite Duras. Et autant le film que la musique. Et on revient pour vous parler de Marguerite Duras. Chanson, toi qui ne veux rien dire, toi qui me parles d'elle. belle. Et toi qui me dis tout, nous sommes de retour à l'émission Les bouquins d'abord avec Berthe Reinke et Hélène Lépine, Marie-Ève Sivigny. Hélène, oui. Tu voulais encore ajouter oui, quelque chose. Parce on parlait de la douleur de Marguerite Duras. Oui, parce que après la douleur, il y a des textes, 4 nouvelles. Et je n'en parlerai pas, j'insisterai pas pour en parler si Marguerite Duras ne disait pas dans la préface aux deux premières nouvelles, elle ne disait pas « Apprenez à lire ». Puis là, elle écrit ça en 85. Elle dit « Apprenez à lire, ce sont des textes sacrés ». Alors là, c'est ouais. fondamental. Et ouais. ce qui nous apparaît dans la première nouvelle, elle dit « C'est vrai, c'est un fait ». C'est la nouvelle s'appelle « Monsieur X dit ici Pierre Rabier », qui est un donneur de qui dénonce où les Juifs ou les communistes sont et les livres mm-hmm. aux Allemands. Dans la deuxième, « Albert des Capitales », il y a un personnage qui s'appelle Thérèse, qui torture un donneur, qui guide la séance de torture, et elle dit « Thérèse, c'est moi ». Et puis, il y a deux autres nouvelles, je passe vite, « L'ortie brisée, Aurélie à Paris ». Là, elle dit de ça, « Ça, c'est inventé, c'est de la littérature oui. ». Elle fait souvent ça, oui. Jouer sur l'ambiguïté comme ça. Alors, ce que je trouve très intéressant, c'est que quand on revient avec écrire, justement, ou la vie matérielle, on se retrouve avec les mêmes propositions. Dans la vie matérielle, elle dit « Écrire, ce n'est pas raconter des histoires. C'est tout le contraire. C'est raconter tout à la fois. » Puis là, on retrouve cette idée. C'est raconter le peu de oui. faits qu'on sait, c'est-à-dire ce qui est vrai. C'est raconter... C'est la part qui tient de moi. C'est moi, c'est tout ce qui va venir d'un savoir intuitif qu'on a sur quelque chose. Puis ensuite, c'est inventé, c'est les trous à combler. Alors, on a peut-être, comme dans L'Olvestein, un personnage dont on connaît un incident de la vie. Puis ensuite, on voit sa douleur. Et on invente, le narrateur, ou elle-même, mm-hmm. celle qui écrit, parce qu'elle se détache moins de ses narrateurs qu'on le croirait, elle finit par avoir ce savoir de d'où peut-être provient la folie de l'Olvestein. Mm-hmm. Et elle plonge et comble les trous, et ça, c'est inventé. Donc, on retrouve cette espèce de dynamique dans la vie matérielle, dans écrire. C'est que dans sa façon d'écrire, c'est qu'elle réécrit. Oui. Et puis, dans sa façon d'écrire aussi, c'est souvent, particulièrement à la fin de sa vie, ça va être dicté à Jan Andreas Stenner, qui va être d'abord son secrétaire, son grand amour aussi, son dernier amour. Et je pense que au moment où est-ce qu'elle l'écrit, elle est tellement dans une totale présence. C'est ça. Il faut prendre le texte donc tel qu'il a été écrit au départ. Ouais. Là, après, elle va le relire. Ouais. Et là, non, c'est pas ça. Et elle rajoute une couche, Mais au moment où nous, lecteurs, arrivons à la mouture finale, eh bien, il faut prendre la phrase pour ce qu'elle est, mais peut-être que Duras, dans son prochain livre, est rendu ailleurs déjà. Oui. C'est une pensée mouvante, changeante, vraiment, c'est ce et qui puis, fait son unicité. Regarde, c'est exactement un petit peu dans ce sens-là où on voit d'abord les textes, les photographies des textes sur mm-hmm. lesquels elle travaille, puis la façon dont elle en parle, elle dit... écrire, c'est le moins le fruit d'une évidence qui fait écrire un livre, c'est plutôt une intuition. Puis elle dit, on peut procéder de loin, en s'approchant, par métaphore, si vous voulez. Alors, on voit cette espèce d'écriture qui avance, qui s'enrichit, qui rajoute, etc. Puis évidemment, une chose qui est fondamentale, puis qui renvoie à la douleur, qui renvoie à l'enfance, c'est le corps qui participe à l'écriture. Oui. Et puis, dans écrire, elle revient encore sur cette espèce d'idée de, en quelque sorte, de, comme tu le disais, de non-savoir, ou plutôt, ou du savoir intuitif. Mais d'expérience aussi. D'expérience. Je me souviens d'un des passages les plus émouvants dans écrire, c'est à partir du moment où est-ce qu'elle dit « j'ai ma maison ». D'écriture. Oui. Alors, quand tu et disais, elle s'est créée c'est plusieurs, corps, elle a trois oui, lieux d'écriture. Oui, oui. Ça, c'est un sujet. Dans ces maisons-là, elle dit, c'est la solitude, oui. C'est là qu'elle trouve. C'est ça. Mais quand tu disais que c'était un corps, oui. Mais tu sais, c'est un rapport charnel à soi-même, oui. À l'amour qu'elle peut éprouver, bon, au sexe dont elle parle quand même assez crûment. Oui. Après ça, il y a aussi l'amour de l'alcool qui va être à la source de l'écriture et la maison, le lieu qui participe à cette intuition-là aussi. Alors qu'il s'agisse de la Normandie sur le bord de la mer, et là, la mer de Trouville qui répond à celle qu'elle a connue dans l'Indochine, la mer qui est omniprésente. Tu vois, je regardais, il y a tellement de livres sur notre table. La mer écrite de Marguerite Duras avec les photos d'Hélène Bamberger. Mais c'est ça. Alors, on et dans écrire aussi, elle parle de son rapport à la mer. Ben oui, on a le marin de Gibraltar qui en parle, les petits chevaux Tarquinia, elle y revient toujours, et puis c'est du mouvement, hein? C'est le barrage contre le Pacifique aussi, oui, c'est ben oui, mer. Ben oui. Oui, et puis, mais c'est fascinant comme elle est lucide sur tout ça et elle nous instruit tout ça à nous de départager parce que des fois il y a beaucoup de mots pour le dire et des phrases différentes. Mais la solitude est toujours requise et comme ce qui vient, tout ce que tu as dit qui fait une espèce de, comment dire? Mais comme une constellation. Une constellation. En fait. Puis c'est sûr que là-dedans il y a une plongée, un risque énorme et puis c'est la plongée au risque de se perdre. Tout à fait. Alors, et dans ça, elle dit l'écriture, c'est l'inconnu. L'inconnu de soi, de sa tête, de son corps. Ce n'est même pas une réflexion. Et puis là, c'est clair que quand elle se met dans cette situation de silence, et elle insiste beaucoup sur le silence, là, elle est dans cette solitude que la maison favorise, que l'alcool favorise, que toutes sortes d'états de sauvagerie favorisent. Oui. Là, elle est en mesure d'aller dans cette quête. Parce que c'est pas absurde, c'est une quête pour aller au cœur des grandes émotions. L'amour, la douleur, la profondeur du sexe et de ce que ça va entraîner de. Et puis, en ce sens-là, elle en parle tellement ouvertement que c'est toujours étonnant. Par contre, elle fait une nette différence entre... Elle met les gens en garde. Faites attention, écrire, raconter des histoires, faire un récit, c'est pas de la littérature. Puis elle insiste toujours sur cette différence entre ce genre de livre-là. Tous les autres peuvent exister. On sent bien qu'il n'y a pas d'anathème. Tout peut exister. Oui. Mais quand on veut faire ce qu'elle a fait... Ben là, c'est ça que ça prend. Et ça, là, le livre, j'insiste un peu sur le livre Marguerite Duras de Laura Adler, qui est une reprise d'une biographie qui a déjà été écrite il y a une dizaine d'années. Juste à voir là-dedans, il y a plein de photos, mais les photos de son écriture où on les voit retravaillées, c'est ça ce qui m'avait touchée le plus parce que j'avais l'impression, là, je touche à quelque chose de vrai. Parce que quand on lit bien, on le sent dans ces livres, ces ratures-là. Ce retravail-là. Oui. Et Berbel, oui, je voulais juste rajouter, en fait, tu nous parles de l'album de Laura Adler, mais il y en a un autre qu'il faut absolument mentionner, qui est absolument somptueux. C'est de Laetitia Sénac aux éditions de La Martinière. On l'avait présenté Marguerite Duras, l'écriture de la passion, là, franchement, là, c'est pour faire un voyage dans son œuvre. Alors, quand on n'est pas nécessairement familier à cette œuvre, vraiment, c'est une excellente idée. Et moi, j'ai trouvé une perle ici. J'en avais entendu parler, je ne l'avais pas vue. Et je suis très jalouse, Hélène, que tu as Duras, la cuisine de Marguerite. Parce qu'il y a ça aussi avec Marguerite. Elle accueille des gens, elle fait de la bouffe et là, on va partir en pause. On vous revient après. Elle tombe bon ce matin. C'est KRL. Québec. Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 10 % à chaque fois que vous faites un achat chez Sillon le disquaire au 1049 Avenue Cartier. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Partez à la découverte de l'univers de la bande dessinée, du manga, de l'animation, de l'illustration et du fanzine. La vie en BD, en compagnie de Raymond Poirier et son équipe, tous les vendredis dès 17h30. CKRL, votre porte d'entrée vers le 9e art. Du 12 au 15 juin, Desjardins présente en collaboration avec Hydro-Québec la 31e édition du Festival de la chanson de Tadoussac. Avec les Sœurs Boulay, les Hey Babies, les Chercheurs d'or, Alex Nevsky, Patrice Michaud et plusieurs autres. Je te collerai aux fesses comme des shorts. Le Festival de la chanson de Tadoussac en pleine nature. Informez-vous au 1-866-861-4108. Billets en ligne sur chansontadoussac.com. Une invitation de la bière Belle Gueule. Cette émission vous est présentée par Maison Thaïlandaise. Maison Thaïlandaise vous offre de délicieux repas cuisinés selon la tradition thaïlandaise. Maison Thaïlandaise, une cuisine savoureuse et variée, dont l'art culinaire se caractérise par son raffinement dans le choix des épices et condiments. Emballée sous vide pour un maximum de fraîcheur au prix plus qu'abordable pour déguster à la maison. Maison Thaïlandaise, trois adresses pour vous accueillir au 3 boulevard René-Lévesque Est à Québec, coin de Salaberry, au 4307 rue Saint-Félix dans le Vieux-Cap-Rouge et au 3742 avenue des Églises à Charny. Informations et commandes en ligne sur maisonthaïlandaise.com. Nous sommes de retour à l'émission Les Bouquins d'abord avec Barbe Rinke et Hélène Lépine qui est toujours avec moi. Oh, un petit ajout pour Durance. Oui, c'est tellement difficile de quitter Durance. Dans la cuisine de Marguerite pour poursuivre cette idée. La nourriture est faite vraiment pour tout le monde. Comme la vie, elle est faite vraiment pour tous. Pas la littérature. Alors, ça rejoint, c'est ça. Et c'est un petit livre magnifique, oui. Très difficile à retrouver. Par contre, j'aurais aimé présenter Duras, l'œuvre matérielle chez IMEC, l'éditeur. Et dans ce livre, on va revenir sur beaucoup des aspects qu'on a essayé de traiter au grand galop. Mais il va y avoir des textes là-dedans de Michel Porte, de Edgar Morin, de Jérôme Beaujour, de Christine Blotte-Labarre. Il y a toutes sortes de textes qui vont reprendre des aspects précis, le corps, la résistante telle quelle, etc. Je vais mettre ça sur alors, ma page Facebook pour ça vaut la peine pour essayer de ramasser, parce que nous, on a essayé, mais en fait, mais on était des... Mais on aurait pu faire quatre heures. Trop passionnant. Maintenant, moi, je voudrais parler d'un très beau livre qu'a recommandé, dont la lecture est simple, mais à la fois profonde. Et c'est un livre qui s'appelle « Ce que dit l'écorce » aux éditions Nota Bene, écrit par deux personnes que vous connaissez sans doute, Catherine Mavrikakis, romancière et... écrivaine de toutes sortes d'autres textes. Nicolas Lévesque, qui est lui aussi psychologue, essayiste et éditeur, qui a membre du comité de rédaction de Spirale, enfin, j'en passe, pour arriver au livre. Alors, le livre se développe comme une espèce de réflexion, les confessions d'un promeneur solitaire, Nicolas, et d'une écorchée, Catherine Mavrikakis, des confessions autour de la peau. Alors, la peau va servir de fil conducteur à ces réflexions, mais si j'ai dit les réflexions d'une écorchée ou les confessions d'une écorchée, il faut comprendre le mot écorché et ils l'établissent dès le départ. Alors, dès le départ, et là, les textes sont sans mention de qui les a écrits. C'est à quatre mains, si on peut dire. Donc, on ne sait pas, mais on devine. Alors, ils vont parler de l'être. Il faut imaginer l'être humain qui, tout d'un coup, qui autrefois avait cette espèce de pilosité presque de fourrure et de cuir et qui tout d'un coup se retrouve écorché, c'est-à-dire privé de cette peau, devient un être humain avec simplement la peau, cette peau qui est un lieu d'hypersensibilité et qui il doit avec cette peau, conserver tout ce qu'il y a de à l'intérieur qui est excessif, les émotions, tout l'excès interne. Alors là, il va y avoir tous les deux vont aller de texte en texte vont parler à la fois de ce qu'ils ont comme réflexion sur des phénomènes liés à la peau, qui sont liés à l'époque, par exemple, le tatouage, qu'est-ce que le tatouage peut signifier, les mannequins anorexiques, qu'est-ce que ça représente, cette peau presque à fleur d'os. Mm-hmm. Et puis, mais ça va aussi aller vers autre chose, la peau, quel est le rapport, le contact avec l'enfant qu'on a quand on est peau à peau, le parent qui veut absolument cacher son enfant sous des vêtements très propres, etc., ou la peau qu'on n'ose plus toucher, ou enfin, toutes sortes d'aspects de la peau. Et des fois, la peau ne devient qu'une petite métaphore sur un texte, dans un texte qui est une réflexion profonde sur tout à fait autre chose, sur le deuil, parce que ce qu'il y a d'assez fascinant au fil du livre, et c'est une, oserais-je dire, une coïncidence, je ne connais pas le moment où ils ont décidé d'écrire et tout ça, mais tous les deux vont perdre leur père. Alors, ça va être aussi, ça va entrer de ces textes où il va avoir une réflexion un peu plus large. On va retomber dans des réflexions, des textes où on va avoir une réflexion toujours plus profonde face au deuil, face à la mort, et le deuil qui traverse la peau, puis qui vient toucher quelque chose de très fragile et tout ça. Alors, c'est la peau, tout en étant la métaphore filée de tout l'ensemble, et ça va être un texte où on va aller vers la condition humaine d'une façon à la fois simple et à la fois très, très riche. Et puis, la forme va en être très différente. Des fois, il y a tout simplement une liste. Des fois, c'est un texte à partir d'une anecdote qui va mener à un récit, et des fois, ça ressemble à un mini-essai. Mais la liste, par exemple, il y en a un, c'est Souvenirs sans profondeur, et on va parler de petites peaux, des petites peaux où il y a des petites fuites ou des grandes traces. Alors, tu sais, des toutes peaux épaisses, rugueuses des alligators nains que l'on achetait sur le bord de la route de Key West pour quelques sous. Pellicule de saran wrap dont ma mère se servait pour emballer les restes dans le frigo avant de les jeter intacts dans la poubelle après quelques jours. Pyjama jaune en tissu synthétique de la marque Razurel que nous portions toute la journée le samedi et le dimanche, alors que mon frère et moi étions en quelque sorte privés de sortie. Je pourrais continuer, mais tout ça, même les petits souvenirs comme ça sans profondeur, mènent à des profondeurs qui sont très, très belles. Alors, c'est véritablement un texte qui laisse voir qu'il s'agit là de tous les deux, de personnes qui sont férues de lectures de toutes sortes, qui font des liens très, très bien entre ces lectures, entre ce qu'ils observent de la société, parce qu'en plus d'être des lecteurs, ce sont des gens qui ont un regard qui focalise sur des choses, c'est des regards d'écrivains, en quelque sorte, ou d'analystes, parce que si je peux dire ainsi. Et puis, ce sont des textes qui, en même temps, vont aller avoir lever le voile d'une certaine pudeur. Et c'est ça qui est étonnant, parce qu'il s'agit aussi, quand même, de gens qui ont une voix dans le monde des idées, mais là, il lève véritablement le voile, et on sent tout à fait la peine. On va sentir tout à la fois, l'émotion, l'intelligence, et puis l'imaginaire aussi, parce que pour lier certains des souvenirs ensemble, il faut véritablement avoir de l'imagination. Alors, c'est un livre. Vous savez que vraiment, on en a parlé beaucoup, mais il fallait en parler. Ce que dit l'Écosse, il y a beaucoup à dire sur l'Écosse, entre... On n'est pas sorti du bois. C'est très beau. Alors, Catherine Mavikakis, Nicolas Lévesque, fils de Claude Lévesque, qui est décédé justement, qui était le grand philosophe Claude Lévesque. J'apprenais ça. Alors, merci, Hélène Lépine. Thank you. Nous sommes de retour à l'émission Les bouquins d'abord. Je suis maintenant accompagnée de Jacques Vaillancourt. On pose en parler encore de Marguerite Duras, hein, et là, on passe à un rythme final. Autre. Oui, c'est ça. Elle dira peut-être même que c'est pas de la littérature, Marguerite Duras, sans vouloir te faire de la peine. On tombe dans le polar. C'est un autre genre. Oui, mettons. Oui, rythme final. Oui, Rick Mofina. En fait, Berbel, tu m'avais demandé de lire le troisième tome d'une série de polar écrit par Rick Mofina. Tu m'as dit, lis-le, puis tu verras si ça vaut la peine de lire la suite, parce que la suite est arrivée un petit peu après. Et effectivement, je l'ai lu, j'ai embarqué dedans. C'est un thriller incroyable dans le sens où... Moi, quand j'ai lu, la première impression que j'ai eue, il veut faire un scénario pour un film. Okay. C'est ça qui est visé. Comme si l'écriture était le prétexte à promouvoir une idée qui pourrait faire un scénario. Mais comme beaucoup de thrillers. Comme beaucoup de thrillers, mais lui particulièrement. Là. Et effectivement, j'ai fait une petite recherche, puis par la suite, j'ai vu que les droits pour un film avaient été achetés pour celui-là, pour le sang des autres, et le premier de la série. Il y a cinq romans, en fait, dans cette série-là. Le premier et le troisième, il y a des droits qui ont été achetés, mais sont épuisés maintenant. Il faut dire que la traduction, ça a pris assez de temps. Le premier a été publié en 2000, puis on l'a traduit en 2012. Je ne sais pas si c'est la norme. Ça a pris du temps avant qu'Ali rachète des droits, parce que des romans... anglo-canadien, on dirait que bon, les Français les traduisent pas, fait que absolument, ça passe par le Québec pour que ça se traduise en français là, où c'est très très rare que ça passe par la France. En tout cas, c'est l'impression que j'ai parce que pour en avoir lu encore quand j'étais encore en Allemagne, là, c'était toujours ça passait par l'allemand et des fois par l'anglais british. Pour arriver en allemand, mais ça passait pas par le français, même si le Canada a quand même, hein, le français est quand même là, et non, la France, un petit peu là. Oui, il a écrit les romans un après l'autre en 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, et Alire a commencé à les publier en 2012, 2013. Le dernier a été publié en 2014, qui s'appelle Sans retour. Le dernier publié. C'est toujours le même personnage qui est détective. En fait, on l'appelle la série Tom Reed et Walt Sidowski. Un journaliste, un enquêteur. Qui sont les deux personnages, les deux protagonistes de ces romans-là. Par la suite, il a écrit quand même une quinzaine de romans. Rick Mofina, tu l'as signalé, là, c'est un écrivain ontarien. Mm-hmm. Il est né à Belleville, proche de Toronto. Mm-hmm. Mais ses histoires se passent, tout le moins celles que j'ai lues, se passent à San Francisco. Ah. Quand il était jeune. Il faudrait que je mette ça sur ma liste des choses à lire sur San Francisco. Parce que tu vas y aller? Oui. OK. Alors, il a fait un genre de voyage initiatique quand il était jeune. Puis, effectivement, San Francisco est son port d'attache pour ses romans, tout le moins. L'auteur, comme tel, a publié une première nouvelle à 15 ans qui a été retenue dans un journal. Oui, c'est ça, à 15 ans. Puis sa carrière est plutôt une carrière de journaliste, d'où le personnage Tom Reed, qui est lui aussi journaliste. Bon, c'est un style roman policier, thriller. Quoique le tome 3, qui s'appelle Le sang des autres, est beaucoup plus, disons, effréné. Le rythme est beaucoup plus effréné que celui le sans retour, qui s'appelle le tome 4. Pour vous situer, je vais vous dire l'ordre des publications. Il y a eu La dérive des anges, le premier. C'est son premier roman, d'ailleurs. Mm-hmm. Depuis, il en a écrit, une quinzaine de romans, c'est ça, dans une vingtaine de pays. Le premier, donc, La dérive des anges, La peur au corps, Le sang des autres, Sans retour, ce sont les deux que j'ai lus, et Tu seras mienne. Et j'ai aussi lu une petite nouvelle. Tu seras mienne, en passant, va être édité à l'automne 2014. Je vais probablement me le procurer, puisque je me suis habitué avec au personnage. Puis c'était pas prévu qu'il en ferait une série. C'est à la demande de son éditeur. Comment il lui a dit ça? J'ai pris la citation ici. Arrange-toi pour les faire vivre jusqu'à nouvel ordre. Ça, c'est son éditeur. Donc après, c'est drôle que l'éditeur commande le destin des personnages d'un auteur, mais ça, c'est une autre histoire. Parce que probablement, ça avait bien bien fonctionner, populaire ouais. et tout. Le sang des autres, je vais vous parler un petit peu de l'histoire très brièvement. Encore Tom Reed, journaliste, Sidovski, enquêteur. Il y a une femme qui est retrouvée morte, exposée dans un magasin de robes de mariée, défigurée, complètement défigurée. Puis le thème, ce qui est intéressant, c'est le thème assez contemporain, c'est-à-dire la solitude émotionnelle et les gens qui sont en quête d'amour via Internet. Et là, le meurtrier, là-dedans, est un spécialiste Internet. Et ça, en 2001, quand même. Oui, quand même, en 2001. Prévoyait déjà, parce que aujourd'hui, ça a l'air normal, mais c'est ça ne l'était pas à l'époque. Puis la victime est une personne assez isolée, qui est justement, on dirait, fade. Fade comme tête. Aujourd'hui, le temps file. Sans retour, je peux sans parler. Retour. Sans oui, retour. Très vite. Très, très rapidement, il y a un cambriolage, il y a quelqu'un qui est kidnappé et le journaliste Tom Reed veut laisser son emploi, mais on lui demande d'enquêter, mais faire un reportage sur ce cambriolage-là. Et l'otage, ça se trouve être sa femme, qui lui avait justement demandé de ne plus enquêter parce que c'était dangereux. Ah! Merci, on Jacques. S'en va en pause. On s'en va en pause. Nous sommes de retour au bouquin d'abord avec Barbe Rhin, que je suis accompagnée de Maryse Lapierre. Ça faisait un bout, tu travailles oui. beaucoup, c'est bien. oui. T'as quand même eu le temps de lire et t'as lu la classe de Madame Valérie qui a été vantée, mais t'as lu aussi Sam, le oui. tout dernier François Blais. J'aimerais qu'on mette l'emphase un peu plus sur Sam. Ah oui, ok, ben. En fait, faut que je te dise avant tout que j'avais jamais lu de François Blais. Moi, j'ai lu juste un, juste okay. document un, fait que... J'étais vraiment vierge, complètement. OK, c'est et, bon. J'ai commencé par Sam, oui. qui est son dernier, publié en 2014 aux éditions L'Instant Même. J'ai eu un gros choc. J'ai vraiment eu un choc. T'as aimé ou pas aimé? J'ai trouvé ça éprouvant, okay. ma lecture, mais... Après, j'ai lu La classe de Madame Valérie, j'ai compris des choses sur Sam qui m'ont aidé à apprécier ma lecture. Okay, parce que, ouais, en fait, c'est que François Blais, c'est un auteur qui cultive l'envie de parler de la banalité, mais il en parle avec vraiment beaucoup de talent. Mm-hmm. Sam, à mon avis, en tout cas, il est allé assez loin là-dedans. En fait, l'histoire rapidement, c'est que c'est un gars qui trouve dans une boîte de livres d'un marché aux puces un journal intime mm-hmm. d'une fille qui s'appelle Sam. Et il tombe en amour avec les mots de cette fille-là ouais. qui écrit son journal intime. Puis il se met à être obsédé complètement par cette fille-là. Puis il veut la retrouver, il veut la marier. On ne dit pas qu'il veut la marier, mais il veut la connaître. Il veut savoir c'est qui. C'est vraiment... tout le livre est écrit avec des bouts du journal intime de cette fille-là et avec ses réflexions, les réflexions que lui porte mm-hmm. sur cette fille-là. Mais cette fille d'une trentaine d'années, c'est à peu près l'inverse de tout ce qui s'écrit sur la trentaine en ce moment, mène une vie extrêmement banale. Puis elle aime beaucoup parler de sa vie banale. Elle est mariée ou... Non, elle est célibataire. C'est vraiment deux solitudes, en fait. Cette personne-là qui est amoureuse de cette fille-là qui n'existe pas vraiment, finalement. Puis cette fille-là qui écrit son journal intime où elle raconte que... absolument rien, en fait. Alors, au départ, quand on lit ça, moi, ça me donnait un peu l'impression d'être sur Facebook puis de regarder les statuts des gens puis de me dire mon Dieu que c'est vide. Mais ça me donnait ça, fait que ça m'a agressée au départ. Je veux vous en lire un bout, mais en même temps, je veux absolument pas dire aux gens de pas lire ce livre-là. Je pense qu'il faut le lire, c'est vraiment intéressant au bout du compte, mais c'est éprouvant. C'est éprouvant. Okay, je vais vous en lire un bout, vous allez voir, il y a beaucoup d'humour. C'est un auteur vraiment que j'ai découvert, c'est une découverte en fait. Alors vous allez comprendre tout de suite. Ça, c'est un bout du journal de Sam. Mon déjeuner pris, j'ai posé mon livre et j'ai continué à siroter mon café en regardant la pluie tomber sur le champ de bédaine de M. Gélina. Le voisin de gauche de M. Gélina a 3 vaches. Celui de droite, entre autres, cultive des pommes de terre et moi, je n'ai personne à dire que ça fait comme un pâté chinois à l'état sauvage. Tous mes traits d'esprit se perdent. À un moment donné, le vent a changé de direction et je recevais des gouttes. Ça fait que je suis rentrée, j'ai fait la vaisselle accumulée depuis la veille, je me suis trouvée bien admirable, j'ai rempli le bol de C, j'ai ouvert l'ordi et je suis allée vagabonder sur Internet où j'ai essayé de partir quelques chicanes sur des blogs de bons gars et fait quelques demandes d'amitié à des Indonésiennes qui s'appellent Kaka. C'est un nom assez commun là-bas. Et j'ai comme projet d'avoir le plus grand nombre d'amis Kaka possible sur ma liste d'amis. Le pire, c'est que je me trouve drôle. Je vais sur la page de Lina Kaka, mettons, je clique sur « Ajouter » et là, je m'esclaffe. je vous lis pas le bout le plus intellectuel, disons, mais c'est ce genre d'humour-là, c'est ce genre de... c'est quand même très drôle, mais à un moment donné, ça devient étourdissant, puis en même temps, ça parle tellement de notre monde actuel. Ça parle tellement de notre monde, puis clairement, François Blais... fait beaucoup de recherches, a un sens de l'observation hallucinant. Ouais. Tous les détails qui sont nommés là-dedans, c'est fascinant. C'est situé à Québec? C'est situé à Québec, Sam, et on reconnaît chaque coin de rue. Il y a vraiment le sens du détail. Ouais. La classe de Madame Valérie, l'as-tu autant aimé ou plus? Parce qu'il a l'air d'avoir plus vécu que... En fait, c'est parce que j'étais en train de jouer au théâtre, fait que je lisais juste 5-6 pages, puis je m'endormais. J'arrivais trop tard le soir. Mais oui, effectivement, il y a du vécu. La classe de Madame Valérie a eu vraiment un succès... Fou, critique, mais aussi populaire. Ouais. J'ai complètement embarqué. J'ai adoré la classe de Madame Valérie. Okay. Alors, ça a été comme l'expérience... J'ai commencé par ce qui était le plus difficile pour aller vers quelque chose de... Moi, en tout cas, qui me paraissait plus facile à lire. La classe de Madame Valérie... Oh, la classe de Madame Valérie, rapidement, c'est 25 étudiants d'une classe de 5e année au primaire sur 3 jours à l'époque de l'Halloween. Et on va les suivre à travers leur vie, en fait. On les revoit après ça en 2009 au cégep. Après, on les revoit... Non, excusez-moi, pas en 2009. En 97 au cégep, pardon. Et après, on les revoit en 2011. Devenus des adultes, c'est vraiment fascinant. Puis l'intérêt, c'est pas nécessairement de suivre les intrigues de leur vie, mais plus toutes les réflexions existentielles, ce qu'on porte comme rêve quand on a 11 ans. Puis là où on arrive quand on a 30. Puis François Blais est vraiment le don pour de toi, nous. Pour toi, c'est une découverte. C'est une découverte. Puis on aime les personnages. Il nous fait aimer les personnages, puis en même temps, il amène un ton un peu ironique propre à lui que vous avez pu constater dans ma brève lecture. Merci, Maryse. On fera pas de tour de table aujourd'hui. Il faut aller sur la page Facebook pour voir tous les livres dont on a parlé. Moi, je veux quand même mentionner quelque chose que j'aurais voulu avoir l'année dernière quand on a parlé de Gabriel Roy. C'est l'échange de lettres entre Gabriel Roy et Margaret Lawrence. C'est un échange de lettres qui raconte une amitié, mais qui raconte aussi ces deux grandes auteurs, la franco-manitobaine et l'anglo-manitobaine, qui racontent vraiment leur manière d'écrire. On le sent, et ils s'échangent sur l'écriture. Ça aurait été précieux de l'avoir à ce moment-là. C'est merveilleux, ça se lit magnifiquement bien. On retrouve le style de chacune dans chaque lettre. Et ça aussi, c'est vraiment très, très intéressant. J'ai adoré ça. Ça s'appelle « Entre fleuves et rivières » et c'est paru aux éditions Pleines. Et une revue que j'ai découverte, que j'ai apportée parce que Maryse est là. ça s'appelle Jeu. C'est une revue de théâtre et il y a eu une refonte. Maintenant, ce n'est plus le petit format, c'est vraiment le format magazine pour ce numéro 150. Et le dossier là-dedans s'appelle L'appel de Berlin. J'ai retrouvé là le Berlin d'où je viens, des années 80, des années 90. C'est un monde de théâtre qu'on retrouve là-dedans. Là où les points entre le Québec et le Berlin se touchent, c'est magnifiquement bien fait. Ce qui est très bien, ils ont enlevé toute critique. La critique est maintenant sur le site web, donc on reste dans l'actualité. Et je le donne en cadeau à Marie. Oh, merci! J'espérais! Finalement, on me dit, il y a un petit tour de table, on a le temps de le faire. Fait que... On a parlé de Marguerite Duras. Ça, là, on a tellement parlé de titres. Ils sont pas encore tous sur Facebook. Bon, le très beau livre, évidemment, de Laura Adler, Marguerite Duras. Écrire. On a parlé du barrage contre le Pacifique, la cuisine de Marguerite. On a parlé de douleur. On a parlé de la vie matérielle. L'œuvre matérielle aussi. L'œuvre matérielle. Qui n'est pas d'elle, mais bon. Mais sur elle. On aurait aimé parler de l'Holstein. On aurait aimé, hein, oh, parce qu'on oui, a aimé relire ça. C'est ça. J'aurais aimé aussi parler de 10h30, soir en été, où elle parle de son alcoolisme, parce qu'il y a ça aussi, hein. Tu parlais de la sauvagerie, et c'était assez merveilleux. Et toi, tu nous as parlé... De ce que dit l'écorce, Catherine Mavrikakis et Nicolas Lévesque. Ça a l'air très beau, Jacques. Moi, je vous ai présenté très brièvement le Sang des autres et Sans retour de Rick Mofina, qui font partie d'une série de 5 romans de Rick Mofina. Aussi, à noter une nouvelle qui est parue dans le Alibi numéro 50, la revue Alibi, qui s'appelle La dernière traque, si jamais vous voulez vous familiariser avec l'auteur. Et c'est tout ça paru chez Alire. Maryse, François Blais. Très, très rapidement, je vous ai parlé aussi de Sam, le dernier de François Blais, paru à l'instant même, et La classe de Madame Valérie. Merci à Marie-Ève Sévigny qui est venue nous parler de Duras, à Hélène Lépine, à Maryse Lapierre, Jacques Vaillancourt, Gilles Chomel à la mise en onde. La semaine prochaine, on va se retrouver, ce soir, il y a le prix des libraires qui va être remis. Et la semaine prochaine, on va avoir Marie-Hélène Vaugeois avec nous. Elle et moi, on va s'entretenir avec Cassie Bérard. On va parler de Romain Gary, un autre centenaire de cette année. Et après ça, Marie-Hélène et moi, on va parler du prix des libraires. Je sais qu'elle a tout lu ce qui était sur les listes. Oui, elle s'est faite ce devoir-là. Et en même temps, vous allez la découvrir comme nouvelle chroniqueuse de l'émission. Merci à tout le monde. Et restez à l'écoute de CKRL. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. Cette émission était une présentation de Maison thaïlandaise. Maison thaïlandaise vous offre de délicieux repas cuisinés selon la tradition thaïlandaise. Emballés sous vide pour un maximum de fraîcheur au prix plus qu'abordable pour déguster à la maison. Maison thaïlandaise, 3 adresses pour vous accueillir au 3 boulevard René Lévesque Est à Québec, coin de Salaberry, au 4307 rue Saint-Félix dans le Vieux-Cap-Rouge et au 3742 avenue des Églises à Charny. Informations et commandes en ligne sur maisonthaïlandaise.com. La Manif d'Art 7 prend vos sens d'assaut et vous invite à participer aux nombreuses activités qui évoluent autour du thème Résistance et puis nous avons construit de nouvelles formes. Pendant un mois, découvrez le travail de plus de 120 artistes partout à Québec. Le samedi 3 mai de midi à 14h et les samedis 10, 17, 24 dès 13h, Julie Gagné et l'équipe de l'aérospatiale vous donnent rendez-vous à l'espace 400e Bell, lieu central de la Manif d'Art 7 et en direct sur nos ondes. Entrevues, chroniques, discussions, un regard en profondeur sur les activités et expositions de cet événement incontournable de l'art actuel. Programmation complète sur manifdart.org. Un spectacle unique en son genre. De l'improvisation théâtrale avec un allié de taille. Le dessin, c'est l'impro BD.